إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Aujourd'hui c'est le cours 38 dans les dourous de Kitab al-Tawhid. Et on continue aujourd'hui avec un nouveau chapitre, Al-Bab al-Ashir, le chapitre 10. Et le titre de ce chapitre, de ce nouveau chapitre, c'est Babun ma ja'a fi dhabhi li ghayrillah. C'est-à-dire le chapitre de qu'est-ce qui a été rapporté au sujet de sacrifier pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. De faire des sacrifices pour autre que Allah. Donc, le shaykh, pardon? De sacrifier un animal pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ça rentre dans le shirk. C'est ça. On va expliquer, inshallah, qu'est-ce que ça signifie. Le premier verset que le shaykh a mentionné à ce sujet-là, c'est, l'aya, le verset 162 et 163 dans Surat al-An'am, qui dit, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Et l'autre verset après qu'il a mentionné à ce sujet-là, c'est فصل لربك وانحر. Ok. Puis il a mentionné un hadith, c'est عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. سمعتيه كسيتي rapporté selon علي بن أبي طالب رضي الله عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit quatre paroles, quatre phrases. Que Allah maudisse celui qui sacrifie pour autre que Allah. Que Allah maudisse celui qui maudit ses parents. Que Allah maudisse celui qui protège un criminel. Et que Allah maudisse celui qui change l'indication d'une terre. Et on va expliquer l'endroit qui indique la limite, la délimitation d'une terre et tout ça. On va expliquer ce hadith-là en détail. Puis, il y a un autre hadith qui est, c'est le hadith al-Dubab, qui a été rapporté ici dans ce chapitre-là. On va l'expliquer par la suite. On va commencer par ce qu'on a mentionné comme hadith maintenant et comme verset. Le Cheikh Saleh al-Fawzan, il explique le premier verset en disant: هذا الباب كالأبواب التي قبله في بيان أنواع من الشرك التي يمارسها بعض الناس في مختلف الأزمان من عهد الجاهلية ولا تزال مستمرة، وذلك من أجل أن يتميز الخبيث من الطيب، ولله الحكمة في بقاء هذا الشرك والكفر من أجل أن يتميز الخبيث من الطيب والموحد من المشرك والمهتدي من الضال. لو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولكن لو هداهم جميعا لم تكن هناك ميزة لأحد على أحد، ولكن اقتضت حكمته سبحانه أن يجري الامتحان من أجل أن يتميز الخبيث من الطيب. الشيخ commence, الشيخ الفوزان, il commence à expliquer, dit que ce chapitre, comme les autres chapitres qui ont précédé, clarifie différentes sortes de shirk qui sont pratiquées par certaines personnes à différentes époques, depuis l'époque de la Jahiliya, et elles continuent jusqu'à aujourd'hui à être appliquées, ces formes de shirk-là. Elles sont encore manifestées dans différents endroits. Et le Cheikh, il dit que ça, c'est dans le but de distinguer entre le mauvais et le bon. Pour distinguer entre le mauvais et le bon. Et Allah, il a une sagesse dans ça. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hein? Parce que, comme le Cheikh, il dit, Allah, il a une sagesse dans le fait que le shirk et le kufr demeurent. Ok? Et c'est pour distinguer les gens du bien, les gens du mal, les gens qui aiment le bien, les gens qui aiment le mal, ceux qui aiment, qui sont des muwahidin, qui veulent unifier Allah et appliquer le tawhid d'Allah, et le mushrik, qui sont ceux qui sont des mushrikins, qui sont ceux qui sont bien guidés, qui sont ceux qui sont égarés. Hein? Donc c'est pour distinguer entre ces catégories-là, entre ces deux catégories-là. Et le chef, il mentionne le verset 31 dans Surat Al-Ra'd. Il dit, et si Allah aurait voulu, il aurait guidé tous les gens, il aurait guidé tous les hommes. Hein? Il n'y aurait pas un seul kafir sur la terre, un seul mushrik. Si Allah aurait voulu, tous les êtres humains sur la terre auraient été des mu'minines, des croyants, et aucun d'entre eux n'aurait fait le shirk. Sauf que, le chef dit, sauf que s'il avait guidé tout le monde, il n'y aurait plus aucune distinction ou aucune particularité d'un sur l'autre. Ça veut dire tout le monde aurait été guidé, donc il n'y aurait pas eu de test. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, il a fait qu'il a testé les hommes pour être capable de les diviser, de les distinguer, de différencier entre ceux qui sont pour le bien et ceux qui sont pour le mal, ceux qui sont pour le tawhid et ceux qui sont pour le shirk et le kufr, etc. Hein? Donc ça fait partie de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il y a le faux, puis il y a la vérité. Il y a la vérité, il y a le mensonge. C'est pour tester les hommes, pour voir qui vont défendre la vérité et qui vont se tenir du côté de la fausseté et du mensonge. Wa qawluhu ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu. وتتمة الآية وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. ختم الله هذه السورة العظيمة بهذه الآيات لأن السورة تدور كلها على التوحيد وبيان الشرك وبيان ما يفعله المشركون مع الأصنام وما حرموه من المزارع والأنعام لأصنامهم وختمها سبحانه وتعالى بالبراءة من كل ما يفعله المشركون. وهذا الغالب على الصور المكية, فالصور المكية غالبها بل تكاد تكون كلها في التوحيد والنهي عن الشرك, لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك وينزل عليه القرآن في ذلك, ومن جملة ما نزل عليه في مكة هذه السورة العظيمة سورة الأنعام. لشيخ في الله سبحانه وتعالى يذكر سورة الأنعام verses 123 et 124 et d'autres versets par la suite, dit ma salat, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah le Seigneur des mondes, et il n'a pas d'associé dans ça. Et c'est ça qu'on m'a commandé d'appliquer, de respecter, et je suis le premier parmi les musulmans, ou le premier à me soumettre. Dis, ô messager d'Allah, aux hommes, est-ce que je vais chercher autre que Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur, comme Rabb, wa alaykum salam wa rahmatullah, alors que c'est lui le Rabb de toutes choses, c'est lui le maître et le créateur et le pouvoir de toutes choses, et c'est-à-dire toute âme, ce qu'elle a acquis, ça va être contre elle. ça ne va pas aller contre quelqu'un d'autre. Et chacun aura apporté le poids de ce qu'il a fait lui-même, et le péché que toi tu fais, ça ne va pas aller sur le dos de quelqu'un d'autre, d'accord? Chaque personne va être jugée pour ce qu'elle a fait elle-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala a terminé cette sourate, c'est-à-dire sourate l'An'am, avec ces versets-là. Parce que le cheikh il dit que cette sourate, la plupart des sujets qui sont traités, la grande partie de ce qui est expliqué dans cette sourate-là, c'est le tawhid, hein, et de clarifier le tawhid et le shirk, et ce que font les mushrikines avec leurs idoles, et le fait que les mushrikines ont interdit certaines, les mushrikines ont interdit certains animaux, hein, ils les ont rendus sacrés pour leurs idoles. Donc, cet animal-là, pas le droit de le monter parce qu'il appartient à telle idole, ou bien ce chat, il appartient à telle idole, des trucs comme ça. Donc, ça c'est pour expliquer comment, c'est Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate, sourate Al-An'am, il a montré la fausseté de qu'est-ce que les mushrikines font par rapport à leurs idoles, et il a terminé cette sourate en expliquant qu'il faut se désavouer de tout ce que font les mushrikines. Et la plupart de qu'est-ce qui a été révélé dans les sourates, les chapitres ou les sourates qui sont révélées à Mecca, elles parlent de ce sujet-là. En fait, le cheikh il dit, elles sont presque toutes sur le tawhid et l'interdiction du shirk. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est resté 13 ans à Mecca. 13 ans à Mecca. Et il ne faisait que appeler les hommes au tawhid et leur interdire le shirk pendant ces 13 années-là. Et c'est donc à ce sujet-là que le Coran était descendu, sur le sujet du tawhid et du shirk. Et parmi les sourates qui font partie des sourates qui ont été révélées à Mecca, il y a cette sourate, sourate Al-An'am. فقوله تعالى قل هذا أمر من الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس ليس لناس وقته فقط بل للناس جميعا إلى أن تقوم الساعة وليس لناس بلده بل لناس العالم إن صلاتي الصلاة في الشرع يراد بها العبادة المبتدئة بالتكبير والمختتمة بالتسليم التي تشتمل على عبادات قلبية وقولية وعملية فالصلاة تشتمل على أنواع العبادة في القلب من الخشوع والخشية والإقبال على الله وباللسان من التكبير والتحميد والثناء على الله وتلاوة كتابه الكريم ومناجاة الرب وبالجوارح من القيام والركوع والسجود والجلوس فالصلاة عبادة عظيمة يجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها من أنواع العبادات ولذلك جعلها الله عمود الإسلام جعلها الله أو جعلها لله عمود الإسلام وجعلها الركن الثاني من أركان الإسلام لشيخ الزي que Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de dire aux gens, dites. Et quand on dit qu'il ordonne de dire aux gens, c'est pas seulement de dire aux gens de son époque, mais c'est de dire aux gens jusqu'au jugement dernier. C'est-à-dire ce message il reste jusqu'au jugement dernier, et c'est pas uniquement les gens de son pays ou de l'endroit où il est, mais c'est pour tout le monde entier, d'accord? Et il explique que sa salat, comme dans le verset, ça dit « Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ». Donc il explique le cheikh que quand Allah dit au prophète Rasulullah d'expliquer ça aux gens, quand il dit « Inna salati », ça veut dire la salat c'est quoi? Comme on le sait, c'est qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a commandé aux croyants de faire, c'est-à-dire d'établir cette ibadah. Et cette ibadah, elle débute par le takbir, quand on dit Allahu Akbar, et elle termine avec le taslim. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est quoi cette salat? Elle commence par le takbir et elle termine par le taslim. Et elle comprend différents niveaux et différentes formes d'adoration. Dans la prière, dans la salat qu'on fait 5 fois par jour, il y a des adorations qui sont des adorations du cœur. Il y a des adorations qui sont des adorations par la parole, quand on récite le Coran, quand on fait le tasbih. Et il y a des formes d'adoration physiques aussi qu'on fait avec le corps. Donc, la prière comprend toutes ces différentes formes ou ces différents niveaux d'adoration. Parmi les exemples d'adoration avec le cœur qu'on fait durant la prière, il y a un khushu', hein, le fait qu'on est concentré et qu'on est humble dans notre prière. Ça c'est dans le cœur. Et al-khashya, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-iqbal ala Allah, c'est-à-dire on se dirige et on se tourne, on se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les adorations qu'on fait avec la langue, le fait de dire par exemple Allahu Akbar ou Alhamdulillah, ou qu'on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala de différentes façons, ou qu'on récite le Coran, Al-Karim, tout ça c'est des adorations qu'on fait avec la langue. Également on invoque Allah subhanahu wa ta'ala et on supplie Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça ça fait partie des adorations qu'on fait avec la langue. Également avec le corps, le fait qu'on est debout, on se tient debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi on fait le recours, on fait le sujoud et on reste assis, tout ça c'est des différentes actions qu'on fait avec le corps qui sont des différentes formes d'adoration. Donc la salat est une des plus grandes formes d'adoration dans l'islam et donc elle comprend différentes formes d'adoration à l'intérieur d'elle-même. Et c'est pour ça que Allah a fait de cette prière le pilier de l'islam, hein, le mot de l'islam. Et le deuxième pilier de la religion. Hein, donc c'est, disons, c'est le support qui soutient la religion et c'est le deuxième pilier de l'islam. وَنُسُكِ النُسُكِ الْمُرَادُ بِهِ مَا يُفْبَحُ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ عَلَى وَجْهِ التَّقَرُّبِ وَالْعِبَادَةِ كَهَدْيِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ هدي التطوع وهدي الجبران والأضاحي والعقيقة هذه كلها تسمى نسكا فما ذبح من بهيمة الأنعام على وجه التقرب إلى الله تعالى بذبحه فهو النسك وكان الذبح على وجه التقرب موجودا في الجاهلية كانوا يذبحون للأصنام ويذبحون للجن ويذبحون للكواكب ويذبحون لغير الله ولهذا يقول النابغة في قصيدته لا والذي قد زردته حججا ما هريق على الأنصاب من جسدي والأنصاب الأصنام وهريق يعني سفك من الدماء من جسد يعني من ذبيحة فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن دينه مخالف لدين المشركين فالمشركون يذبحون لغير الله والنبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه يذبحون لله وحده لا شريك له كما أنهم لا يصلون إلا لله فكذلك لا يذبحون إلا لله وقرن النسك بالصلاة فيدل على أنه عبادة عظيمة على أنه عبادة عظيمة لا يجوز صرفها لغير الله والنسك قد تساهل فيه كثير من الناس فصاروا يذبحون للجن طاعة للمشعوذين من أجل العلاج بزعمهم الشيخ يزي la partie du verset tout de suite après quand il dit inna salati, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa nusuki. Et nusuk, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'est-ce qui est sacrifié ou égorgé? Des animaux, comme des animaux qu'on utilise comme des animaux de la ferme, hein, qu'on garde pour leur viande, pour leur lait ou pour d'autres choses, comme par exemple les vaches, les chameaux, les chèvres, hein, les moutons, oui, ça c'est les bahimatul an'am. Et ces animaux-là, quand on les égorge dans le but de se rapprocher et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ça s'appelle nusuk. Comme par exemple, quand on amène des animaux pour égorger lorsqu'on fait le hajj, soit que c'est le hajj tamattu' ou le hajj qiran, on apporte avec nous des animaux, soit un chameau ou une vache ou un mouton pour l'égorger, comme on fait dans Eid al-Adha, tu vois, ça fait partie de nusuk aussi. Parce qu'on fait ça dans le but de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Également, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on égorge aussi comme sacrifice, ou pour l'aqiqa, quand il y a un enfant qui est né, hein, on égorge ça, ou bien quand il y a un waliba, ou des choses de ce genre. Et là, la ayad, les fêtes, etc. Donc, Eid al-Adha par exemple. Et tout ça s'appelle nosuk. Hein, donc c'est quand tu égorges un animal, comme les bétails, les animaux de bétail de qu'on garde pour différents usages, comme on a expliqué, et bien quand on sacrifie ces animaux-là pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'on appelle nosuk. Wa al-dabh, le fait de sacrifier et d'égorger, hein, ça ces choses-là étaient présentes même dans l'époque de la Jahiliya. C'est pas seulement quelque chose qui est venu avec l'islam. C'est quelque chose qui existait même chez les mouchriquins avant l'islam. Et, les mouchriquins, eux, toutefois, ils égorgeaient pour leurs idoles. Et ils sacrifiaient pour leurs idoles. Et pour les djinns. Et aussi pour les étoiles et les constellations. Et aussi, pour d'autres en dehors d'Allah. Comme un des poètes de l'époque pré-islamique disait qu'ils égorgeaient des animaux pour leurs idoles, comme le cheikh a mentionné comme exemple. Tandis que lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu nous expliquer aux mushrikines que sa religion est différente. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'islam nous commande de faire, c'est différent de ce que les mushrikines font. Les mushrikines, eux, égorgent pour leurs idoles. Et pour autre que Allah. Tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui l'ont suivi, ils ne sacrifient d'animaux que pour Allah seul. Et lorsqu'ils prient, ils prient uniquement à Allah. Donc la même chose, lorsqu'ils sacrifient un animal, c'est uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il dit que ce n'est pas possible. Donc un nusuk, il dit que Allah a, dans ce verset-là, il a réuni dans ce verset la mention de la salat et la mention du sacrifice, al-nusuk, donc c'est pour montrer que ce sont deux formes d'adoration et qu'il n'est pas permis pour quiconque de les offrir à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit en même temps que les gens d'aujourd'hui ont, ils ont laissé beaucoup de choses passer dans le sujet des sacrifices. Les gens ont pris ça à la légère aujourd'hui, le fait de sacrifier pour autre que Allah. Ils ont pris ça à la légère, comme si c'était pas grave, comme si c'était pas important. D'accord? Donc, on voit que, par exemple, quand ils ont un problème dans leur vie quelconque, ils vont voir certains magiciens, des sorciers, différentes sortes de personnes, qui vont soi-disant leur dire d'égorger telle ou telle sorte d'animal pour arriver à avoir la guérison. Hein? Donc ils vont voir ces gens-là, c'est des magiciens ou des sorciers ou des trucs comme ça, et puis ils vont leur dire, voici moi j'ai tel problème. Hein? Je ne sais pas si vous vous souvenez, une fois j'avais raconté une histoire qui avait été racontée dans un livre, une femme, elle voulait se marier avec un homme, puis elle est allée voir une femme gnawa, hein, et puis cette femme lui a dit, ok tu dois égorger un bouc, donc elle a acheté le bouc et puis ils l'ont égorgé, ils ont pris le sang de l'animal pour les djinns, et là ils ont mis le sang sur la femme, et puis en tout cas ils ont fait toute une cérémonie avec des tambours, des drums, et des gens qui dansent et tout ça, et puis ils donnent la viande aux gens, toutes sortes de formes de shirk et de bid'a qui ont été faits dans ces choses-là, c'est pour arriver soi-disant à ce que cet homme-là aime cette femme, puis après ça, il va accepter de la marier. Donc, ça c'est des exemples de formes de sacrifices qui sont faits pour le djinn, et ça rentre dans le shirk. Quand quelqu'un sacrifie un animal pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est un exemple. Ok, et ça se pratique maintenant dans les pays musulmans, d'accord? Donc, ça c'est des exemples de shirk. Le shirk, il continue à expliquer le même verset, وَمَحْيَايَ مَا أَحْيَا عَلَيْهِ فِي عُمْرِي مِنَ الْعِبَادَةِ كُلِّهِ لِلَّهِ ما أحيا عليه في عمري من العبادة كله لله. ومماتي ما أموت عليه أيضا لله، فيموت على التوحيد. ومعنى الآية أنه يحيا على التوحيد ويموت على التوحيد، ثم أكد ذلك بقوله لا شريك له، وذلك في سائر أنواع العبادة. نعم، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. رب العالمين، الرب هو المالك، والعالمين جمع عالم، وهو ما سوى الله من المخلوقات، فكل المخلوقات ربها واحد وهو الله سبحانه وتعالى. ولكن قد يقال لمالك الشيء ربه، مثل رب البيت أو رب الحاجة أو رب السيارة أو رب الدراهم، هذا مقيد. أما إذا قلت الرب أو رب العالمين فهذا لا يكون إلا لله. الشيخ يكسبك دعوه من فرسه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، تنظر ومحياي ومماتي فذي ما في إما مور sont pour Allah également. Hein, et le cheikh explique que tout ce que je fais durant ma vie comme adoration, c'est pour Allah entièrement. Et je meurs, et quand je meurs également, je meurs sur le tawhid. Donc, le verset signifie, hein, cette partie-là dans le verset, ça signifie que je vis sur le tawhid et je meurs sur le tawhid. Et ça, c'est confirmé par la suite, tout de suite après, quand on dit La sharika lahu. C'est-à-dire, il n'a pas d'associé. Fidalik. Il n'a pas d'associé dans aucune forme d'adoration qu'on peut faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin. Rabbil alamin, le Seigneur des mondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le maître. Le maître de tous les mondes, de toutes choses qui existent. Et, le mot alamin, c'est le pluriel de alam. Ça veut dire le monde. Et tout ce qui, le monde c'est quoi? C'est tout ce qui existe en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est créé en fait. D'accord? Donc, tout ce qui est créé en dehors d'Allah fait partie de, tout ce qui est en dehors d'Allah fait partie de ses créations. Et leur Seigneur c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le Seigneur de toutes les créatures c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et on peut dire à propos de quelqu'un, lorsqu'il possède quelque chose, on peut dire qu'il est le Rab de cette chose. Comme par exemple, le Cheikh donne des exemples, le Seigneur de cette terre, ou de cette maison, ou de cette voiture. Rab al-Sayyara, le maître de cette voiture, ou le propriétaire de cette voiture, etc. Ça dit, le propriétaire de cet argent, des trucs comme ça. Ça peut se dire. Mais toujours, disons d'une façon définie, dans le sens que tu spécifies que, disons, c'est le maître d'une chose en particulier, pas d'une façon absolue. Comme par exemple, tu ne vas pas dire le maître, parce que le maître, comme ça, de façon absolue, ça c'est pour Allah seul, c'est seulement Allah qui est le maître de toute chose. Donc tu n'as pas le droit de dire à propos d'un être humain qu'il est le maître ou le Rab. Le Rab ou le Seigneur, c'est seulement Allah qui a le droit de s'appeler comme ça. Ou bien le maître des mondes aussi, c'est la même chose. C'est uniquement Allah qui peut s'appeler comme ça. أما هذه الأصنام وهذه الأوثان فلا تستحق العبادة لأنها مملوكة لله سبحانه وتعالى ومعبدة لله، والعبد لا يعبد حتى ولو كان من أشرف العباد لله كالملائكة والرسل والأولياء كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى. وذكر عبادتين عظيمتين، الصلاة والنسك، لأن الصلاة عبادة بدنية والنسك عبادة مالية، وهي من أفضل العبادات المالية. الشيخ يزيك tandis que les idoles elles ne méritent pas l'adoration parce qu'elles sont elles-mêmes disons c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés, qui les possède. Donc elles ne peuvent pas elles-mêmes mériter l'adoration. Parce qu'elles sont elles-mêmes des esclaves et des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les êtres humains, les créatures, elles n'ont pas le droit d'être adorées, même si elles étaient parmi les plus nobles parmi les êtres, les serviteurs d'Allah. Même si c'était les plus nobles parmi les serviteurs d'Allah, comme les anges ou les messagers, ou les gens qui sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont tous des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ces deux formes d'adoration qui sont parmi les plus importantes, la prière, as-salat, et al-nusuk, le sacrifice, parce que ce sont, la salat, c'est une adoration du corps, et al-nusuk, c'est une adoration économique. C'est-à-dire que tu prends de ton argent pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala en sacrifiant des animaux. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. وقال وبذلك أمرت أمرني ربي وعليكم السلام ورحمة الله أمرني ربي فدل على أن العبادات توقيفية لا يصلح منها إلا أو لا يصلح منها شيء إلا بأمر الله ثم قال وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة فالأولية هنا نسبية وإلا فالرسل والمؤمنون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كلهم مسلمون بمعنى أنهم مخلصون العبادة لله والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله هذا هو الإسلام هذا دين جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام فقوله أنا أول المسلمين أي من هذه الأمة كما أن الآية أيضا تدل على أن الرسل أول من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول من يبادر إلى الامتثال أو إلى امتثال أمر الله وأنه لا يتأخر عن امتثال أمر الله صلى الله عليه وسلم فكذلك يجب على المسلم أن لا يتأخر عن الامتثال والمبادرة إذا أمره الله بشيء يكون من أول من يفعل ذلك فمن أمر بشيء من المعروف والطاعة فإنه يجب عليه أن يكون أول من يفعله بون لا يسيل شيخ الذي إلى كما الله سبحانه وتعالى عزيزنا صغير وبذلك أمرت فبيجيتي كما de faire ça, c'est-à-dire de rendre mon adoration et mon sacrifice uniquement pour Allah, de même que ma vie et ma mort. Et le cheikh il dit ça, ça montre que les adorations sont tawqifiyya. Ça veut dire quoi tawqifiyya? Ça veut dire que tu peux pas faire excepté ce que Allah et son messager t'ont ordonné de faire. Ok? Et tout ce que tu veux faire comme adoration, ça doit être par le commandement d'Allah. Et de son messager, bien entendu. Ensuite, il dit, « Wa ana awwalul muslimin », c'est-à-dire parmi les gens de cette umma, l'umma de l'islam, c'est moi le premier parmi les musulmans de cette umma. Le cheikh, il dit que le fait qu'il a précédé tout le monde dans le fait d'être musulman ou d'être un muslim, ça, c'est une chose qui est relative à cette umma. Parce que sinon, avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu d'autres messagers, et eux aussi étaient musulmans. Et dans le sens qu'ils étaient tous sincères et qu'ils purifiaient leur adoration uniquement pour Allah, lui seul. Donc, quand on dit, wa ana awwalul muslim, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, wa ana awwalul muslimin, dans le sens que parmi cette umma, il est le premier à être musulman. Et à l'islam, ça veut dire quoi? La définition générale de l'islam, quand on te demande qu'est-ce que c'est l'islam, quoi? Al-istislam lillah bit-tawhid wa al-inqiyad lahu bit-ta'a wa al-khulus min ash-shirk wa ahlihi. Ça veut dire que tu dois te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, avec le tawhid, par son tawhid, par l'unicité d'Allah. Ensuite, tu te soumets à lui dans l'obéissance aussi, ok, et ensuite tu te désavoues, hein, et tu te débarrasses du shirk et des gens qui font le shirk et qui pratiquent le shirk. Ça, c'est la définition de l'islam. Et c'est la religion de tous les messagers d'Allah. Hein? Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce verset-là, wa ana awwal, c'est-à-dire quand Allah lui demande de dire ça, wa ana awwal al-muslimin, c'est-à-dire dans cette umma, je suis le premier musulman, le premier à me soumettre. Et ça veut dire aussi que le prophète est le premier à mettre en application le commandement d'Allah et à respecter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne retarde pas. Il est le premier à se soumettre. Ana awwalul muslimin, ça veut dire je suis le premier à me soumettre. Ok? Il ne retarde pas dans l'obéissance. Et c'est comme ça que tout musulman doit être. Il ne doit pas retarder l'obéissance. Aussitôt qu'il entend le commandement de faire quelque chose, il doit essayer de le faire le plus vite possible. Donc, le cheikh il dit, فمن أمر بشيء من المعروف طاعة فإنه يجب عليه أن يكون أول من يفعله. Celui qui ordonne aux gens de faire quelque chose, il faut qu'il soit le premier à le faire lui-même. Sinon, c'est un mauvais exemple qu'il donne. Après le cheikh il dit, وقوله فصلني لربك وانحر. Ça c'est l'autre verset que le cheikh a mentionné. C'est dans Sourate Al-Kawthar. إنا أعطيناك الكوثر فصلني لربك وانحر. Donc le cheikh il dit, قَوْلُهُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ. Donc, on t'a donné Al-Kawthar, donc fais ta salat pour ton Seigneur et sacrifie pour lui. D'accord? Le cheikh il va expliquer maintenant qu'est-ce que ça veut dire. وَقَالَ وَقَوْلُهُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ هَذَا أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ لِنَبِيهِ صلى الله عليه وسلم أن يخلص أن يخلص الصلاة لله عز وجل وأن يخلص النحر وهو الذبح لله وحده. قالوا وهذا شكر لله سبحانه وتعالى لما أعطاه الكوثر، فإن الله سبحانه وتعالى أمره أن يشكره على هذه النعمة العظيمة بأن يصلي ويذبح لله. ولهذا ربط بما قبله بفاء السببية، والكوثر نهر في الجنة، وقيل هو الخير الكثير، فهذا من باب الشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، على إعطائه الكوثر، فإن شانئك هو الأبتر، كان الكفار يظنون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه أبتر، ليس له ذرية وليس له مال، إنه إذا مات سينتهي ذكره، شاعر يتربص به ريب الملوم، والله جل وعلا يقول إن شانئك هو الأبتر، أما أنت فلست بأبتر، سيستمر ذكرك ويستمر عملك وتستمر دعوتك إلى يوم القيامة. وصدق الله العظيم، أين ذكر أبي جهل؟ وأين ذكر أبي لهب؟ وأين ذكر صناديد الكفار؟ انقطع ولا يذكرون إلا بالذم والعياذ بالله. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يذكر بالخير والثناء، ويذكر بكل فضيلة، ودعوته باقية ودينه باق، ولله الحمد على مر الزمان بينما تتهاوى المذاهب الأخرى وتتساقط، وإن قويت شوكتها في بعض الأحيان، وإلا أنها تتهاوى، ودين الرسل يتجدد، ودين الرسول صلى الله عليه وسلم يتجدد. لشيخ الزي لفهول الله سبحانه وتعالى دونس فيرسي ورب فصل لربك وانحار، c'est un commandement pour le prophète صلى الله عليه وسلم de se désavouer d'adorer autre que Allah سبحانه وتعالى et de purifier sa salat et son sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Nahr, ça veut dire quoi? Ça veut dire le sacrifice, ok? Ou de faire dégorger pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont dit que ça, c'est un ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il soit reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme si, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, c'est comme pour dire, remercie ton Créateur. On t'a donné le Kawthar, alors remercie ton Créateur en faisant la salat et en sacrifiant pour ton Créateur, puisqu'il t'a donné cette grande ni'ma, ce grand bien. Ok? Et donc, c'est pour ça que Allah, il dit « chassonne ». Le « fa » qui est ici, c'est pour dire par conséquence, on t'a donné ce bien, alors, en retour ou en récompense de ça, fais ces adorations-là pour remercier ton Créateur. Ok? Dans ce sens-là. Et le Kawthar, c'est, selon certains ulama, ils ont expliqué que c'est un fleuve ou une rivière dans le paradis. D'autres ont dit que c'est un très grand bien. Ok? Donc, ça c'est dans le but de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grande ni'ma que Allah lui a donnée. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin de ce verset, Inna sha'ni'aka huwa al-abtar, ceux qui te détestent seront coupés, hein, on va plus en parler après. Ça c'est l'exemple, c'est-à-dire ils n'auront pas de progéniture ou des choses de ce genre. Ça c'est l'exemple que, parce que les koufars, ils critiquaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils le blâmaient, et ils disaient qu'il était abtar, c'est-à-dire il n'a pas d'enfant, il n'a pas de richesse, il n'a rien, et qu'après sa mort, on ne va plus parler de lui, et puis il va être oublié, d'accord? Donc, yani, ils le traitaient de poète et des choses de ce genre, et Allah subhanahu wa ta'ala répond à ces gens-là, à ces mouchriquins, en disant « Inna sha'ni'aka huwa al-abtar » Celui qui te déteste et qui est contre toi, c'est lui qui sera coupé et qui n'aura pas de progéniture et qui va être oublié, et non pas toi. Et toi, tu n'es pas abtar, c'est-à-dire, oh toi, messager d'Allah, toi, tu n'es pas abtar, et ta mention, les gens vont toujours te mentionner en bien, et l'action que tu fais va toujours continuer, et cette da'wa, elle va rester jusqu'au jugement dernier. Et Allah a dit la vérité. Parce que regarde aujourd'hui, où est-ce qu'on parle, quand est-ce qu'on parle de Abu Jahl, quand est-ce qu'on parle de Abu Lahab, hein, et tous les grandes, les grosses têtes de Quraysh qui étaient contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont morts dans le shirk, est-ce qu'on en parle encore aujourd'hui? Le cheikh dit quand on en parle, c'est uniquement en mal, vous mentionnez le mal qu'ils ont fait. Donc, que Allah nous en protège, et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par contre, on ne parle de lui qu'en bien, et pour mentionner le bien qu'il faisait, et pour montrer le mérite qu'il avait. Et sa da'wah, elle continue jusqu'à aujourd'hui, et sa religion également. Hein, 1428 ans encore, aujourd'hui, on parle encore de sa religion, et elle est encore pratiquée. Tandis que les autres religions et les autres voies, elles tombent. Hein. Et la religion des mouchriquins, Lat, Al-Uzza et les autres idoles qui étaient adorées, toutes celles-là sont disparues. Hein. Donc c'est pour montrer que l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé et l'a gardé. Il dit même si à certaines périodes ou à certaines époques, les religions du mensonge et de fausseté peuvent avoir une certaine force à un certain moment donné, toutefois ça ne dure jamais. Hein. Elles tombent par la suite, et tandis que l'islam, elle se renouvelle à chaque fois. Et, c'est-à-dire, quand on dit elle se renouvelle à chaque fois, c'est-à-dire, il y a toujours des ulama et des gens qui reviennent pour la faire revivre et la ramener dans sa pureté originelle. Comme la pureté originelle, comment elle était à l'origine, et la faire revivre dans le cœur des gens. Hein, et de combattre les bid'a et les innovations qui ont été rajoutées dans cette religion. Ensuite, le cheikh il dit, انظروا الى الشيوعية في وقتنا الحاضر. ماذا بلغت من القوة والإرهاب وإخافة العالم؟ وفي فترة وجيزة ذابت كما يذوب الملح في الماء. وأين هي الآن؟ ولكن دين الإسلام لا يزال والحمد لله يظهر ويتجدد ولو ضعف أهله. إلا أنه هو بنفسه والحمد لله دين يتجدد ويظهر في مر الزمان ومر المكان. Le cheikh il dit, regardez, par exemple, regardons l'exemple du communisme, par exemple, okay, aujourd'hui, à notre époque. À un certain moment donné, elle était devenue tellement puissante, elle faisait peur à tout le monde sur la terre. Tout le monde parlait du communisme et de l'URSS et tout. tout le monde parlait de cette grande puissance mondiale et tout le monde en avait peur. Hein. Et aujourd'hui, le Cheikh dit, en une période très courte, elle a fondu comme le sel fond dans l'eau. Et où est-ce qu'elle est aujourd'hui, cette puissance qui faisait peur à tout le monde? Hein. Elle n'existe même plus. Donc le Cheikh il dit, mais la religion de l'islam, elle demeure, hein, et elle revient toujours et elle réapparaît à chaque fois, et elle se renforcit à chaque fois. Même si les musulmans, eux, deviennent faibles, hein, mais elle, l'islam, elle reste. La faiblesse, c'est pas dans l'islam. La faiblesse est dans les gens qui portent l'islam. Dans la faiblesse, elle est dans les musulmans eux-mêmes, pas dans la religion. Hein. Si les musulmans sont faibles, c'est pas à cause de l'islam, c'est à cause des musulmans eux-mêmes. Qui n'ont pas supporté cette religion-là comme il faut. Donc c'est ça ce que le cheikh essaie de faire comprendre. Et donc la religion, de temps à autre, hein, elle à cause des musulmans lorsqu'ils deviennent faibles et qu'ils s'attachent moins à l'islam, hein, et bien on voit que la force des musulmans diminue. Et quand ils s'attachent plus à l'islam et quand ils se tiennent plus sur les règles de l'islam, et là ils remontent, hein, et les musulmans prennent de la force. والشاهد من الآية إن صلاتي ونسكي ومن الآية فصل لربك وانحر أن الله جل وعلا قرن النحر بالصلاة في الآيتين فدل على أنه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله وقوله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات يعني أربع جمل فالكلمات المراد بها الجمل الشيخ زي que dans les deux versets qu'on a mentionnés, le premier « Inna salati wa nusuki » mais dans le deuxième « Fasalli li rabbika wanhar » Allah a mis la salat et le sacrifice les deux ensemble. C'est pour montrer que c'est une forme d'adoration de sacrifier un animal pour Allah, c'est une adoration et on n'a pas le droit de sacrifier pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne l'autre hadith qui est mentionné selon Ali ibn Abi Talib, hein, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah maudit quatre différentes sortes de personnes, ça, le chef il dit que Ali radiallahu anhu a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quatre kalimat. Hein. Et souvent on traduit le mot kalimat ou kalima par un mot, on dit que le kalima ça veut dire mot. Toutefois en réalité en arabe kalima ça veut dire une phrase. Quand on dit par exemple kalimatu la ilaha illallah, la ilaha illallah c'est pas un mot, mais c'est une phrase. C'est pour dire que kalima ça veut dire une phrase, et non pas un mot. Et ensuite il dit, donc c'est quatre phrases en fait. Et wa qawluhu la'an Allah, al-la'anu ma'nahu at-tard wal-ib'ad an rahmatillah. La signification quand on dit la'an Allah, quand Allah maudit, le mot la'an en arabe, ça veut dire de rejeter quelqu'un, de chasser quelqu'un ou de l'éloigner de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme un dua en fait. Mais un dua pour que quelqu'un soit éloigné de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit la'an Allah man zabaha li ghayrillah, ay taqarraba bi dhabhi li ghayrillah min al-asnam wa min al-abriha wa min al-ashjar wa al-ahjar wa al-jinn وغير ذلك فكل من تقرب بالذبح إلى غير الله فإنه قد لعنه الله وهذا يدل على شدة هذه الجريمة فإن الله جل وعلا لا يلعن إلا على جريمة خطيرة فدل على شدة جريمة من ذبح لغير الله أيا كان هذا الذبح كثيرا أو قليلا جليلا أو حقيرا لشيخ الذكر Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah maudit celui qui sacrifie pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça montre que de sacrifier pour se rapprocher à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou de se rapprocher en sacrifiant pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit pour les idoles ou pour les tombes, hein, tout ça, ça fait partie des idoles. Des choses qui sont adorées en dehors d'Allah, comme les arbres, comme les roches, les pierres, les djinns. Et le cheikh dit, et d'autres en dehors de ça également, tout ça, ça fait partie de se rapprocher par le sacrifice à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui fait ça donc, il a été maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ça montre donc à quel point c'est sérieux comme crime de sacrifier pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe ce sacrifice, peu importe que ce soit un grand sacrifice ou un petit, que ce soit quelque chose d'important ou de valeur, ou que ce soit quelque chose de négligeable, d'accord? C'est pas la grosseur de qu'est-ce que tu offres à autre qu'Allah qui montre que ça, de sa gravité, mais c'est plutôt le fait de l'offrir à autre qu'Allah, déjà en soi c'est un acte de shirk. Non, ça c'est... Ça, c'est quelqu'un, non, si quelqu'un sacrifie dans le but de manger, pour manger la viande, ça fait partie de l'islam. Ça, c'est halal. Non, il faut qu'il dise bismillah, par exemple. S'il l'oublie, ça, c'est pas grave. S'il a oublié, c'est pas grave. C'est quand même accepté. Toutefois, s'il a abandonné volontairement, il n'a pas mentionné le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, volontairement, dans ce cas-là, c'est pas permis de le manger. Mais on va expliquer ça. On va expliquer ça tout à l'heure. Inch'Allah. Le cheikh il dit, وذلك بأن يذكر على الذبيحة غير اسم الله أو يكون في نيته وقلبه واعتقاده أنه يتقرب بهذه الذبيحة إلى غير الله أو يريد بهذه الذبيحة دفع شر أو دفع شر هذا المذبوح له فيذبح للجن من أجل دفع شرهم وخوفا منهم أو يذبح للصنم من أجل أن الصنم يجلب له الخير كما يفعل بعض الجهال إذا تأخر المطر ذهبوا بثور أو غيره من الحيوان وذبحوه في مكان معين أو عند قبر يريدون نزول المطر وقد يبتلون فينزل المطر وتحصل لهم حاجاتهم ابتلاء وامتحانا من الله سبحانه وتعالى وهذا لا يدل على جواز ما فعلوه من الشرك والتقرب لغير الله فمن فعل ذلك فهو مشرك وملعون سواء تلفظ وقال هذه الذبيحة للقبر أو للبدوي أو للسيد الحسين أو لفلان أو فلان أو نوى بقلبه فقط وهذه الذبيحة حرام لأنها تدخل في قوله وما أهل به لغير الله فما أهل لغير الله به يشمل ما ذبح بغير بسم الله يشمل فما أهل لغير الله به يشمل ما ذبح باسم غير الله ويشمل ما ذبح باسم الله ونوي به الصنم أو الجن أو العفاريت والمشعوذون الآن إذا جاءهم المرضى يأمرونهم بالذبح لغير الله لأجل أن يشفوا من مرضهم. Donc le cheikh il explique maintenant, il dit que l'exemple de quand quelqu'un sacrifie pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand il égorge l'animal, il mentionne autre que le nom d'Allah dessus. Ça c'est un exemple de ça. Quand la personne égorge l'animal, au lieu de mentionner, au lieu de dire Bismillah, il dit autre que le nom d'Allah. Il va dire par exemple le nom du Wali ou le nom d'un djinn, ou autre que autre, le nom de l'idole, ou quelque chose de ce genre. Donc ça c'est un exemple. Ou bien, il dit le nom d'Allah, avec sa bouche, il dit Bismillah, sauf que dans son cœur, hein, et dans sa croyance, il le fait pour se rapprocher pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Il le fait pour autre que Allah. Même s'il dit Bismillah, mais dans son cœur, son intention c'est pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, il veut sacrifier cet animal-là dans le but de repousser le mal de la personne pour laquelle il l'a égorgé. Comme par exemple, il a peur d'un djinn. Il pense que le djinn veut lui faire du mal ou peut lui faire du mal, alors il va égorger l'animal pour éloigner ce djinn. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ou bien parce qu'il a peur du djinn. Il croit que le djinn va lui faire du mal ou peut lui faire du mal, alors pour essayer de s'en protéger de ce djinn, il va égorger l'animal dans l'intention de repousser le mal de ce djinn. Ou bien il égorge l'animal pour une idole, pour que l'idole lui amène du bien, ou bien pour le wali, pour que le wali soi-disant, ou le sayyid, il va lui faire venir du bien à sa tombe, il égorge à sa tombe, comme certains parmi les ignorants font aujourd'hui. Par exemple, si ils sont des cultivateurs, des fois ils veulent que la pluie tombe, il n'y a pas eu de la pluie depuis longtemps, alors ils vont par exemple à la tombe d'un soi-disant wali avec un taureau ou bien un autre animal quelconque à un endroit spécifique ou à la tombe, vers une tombe, et là ils égorgent ce taureau ou bien un autre animal soi-disant pour faire tomber la pluie, pour satisfaire le saint ou le djinn ou autre. Et des fois Allah subhanahu wa ta'ala, pour les punir et pour les tester, il fait tomber la pluie réellement. Donc c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala les teste et leur donne cette épreuve là en plus, Allah subhanahu wa ta'ala fait tomber la pluie pour eux, et donc eux ils s'imaginent que c'est parce qu'ils ont fait cette action là que la pluie est tombée. Et donc c'est étant donné qu'ils se sont détournés de la vérité, éloignés de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala les punit en les testant de cette façon là par le fait que la pluie tombe ou d'autres choses de ce genre. Ou bien la chose pour laquelle ils ont fait tomber, égorger cet animal pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Comme si c'était par exemple pour avoir un enfant ou autre, et puis tout d'un coup la femme tombe enceinte. Ils vont dire, ah ben ça y est, c'est parce qu'on a fait ça pour le wali. Et le cheikh il dit, ça ne prouve pas que de faire le shirk et de sacrifier pour autre que Allah est halal, et que ça ne prouve pas que c'est permis. Il y a des gens comme ça, ils s'imaginent que s'ils invoquent autre que Allah, ou s'ils sacrifient pour autre que Allah, et qu'est-ce qu'ils ont demandé s'accomplit, et que c'est exaucé, ils s'imaginent que ça c'est la preuve que ce qu'ils font c'est bon, et qu'ils sont sur la vérité, et que c'est accepté ce qu'ils font. Et donc le cheikh il est en train de dire, non, c'est pas une preuve. Et une fois, j'étais à New Jersey, une fois, puis il y avait un monsieur qui était venu visiter son fils, il venait de l'Algérie, et puis je lui expliquais des choses du tawhid et des choses de ce genre-là, et lui il dit, non mais chez nous il y a une tombe avec un wali qui est enterré, et quand tu es malade puis tu vas là-bas, il te guérit pour de vrai. La preuve que ça fonctionne, il y a des gens qui sont allés là-bas puis ils ont été guéris. Et là, donc moi je leur ai dit, même si tu vois que ça a fonctionné, c'est pas, si c'est arrivé c'était uniquement parce qu'Allah a voulu que ça arrive à ce moment-là, mais ça n'a rien à voir avec le wali. Et non seulement ça, c'est que c'est shirk, c'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas, et là, c'est ça, et là, oui c'est ça, je sais pas, peut-être les autres frères ils connaissent pas, mais il y a une église, il y a plusieurs, c'est pas seulement à cette église là, peut-être à d'autres aussi, là-bas si vous allez voir, là-bas il y a plein de béquilles, des gens qui ne pouvaient pas marcher, sont allés là-bas et soi-disant ils ont été guéris miraculeusement, ils ont laissé leurs béquilles là-bas. Donc quand tu vas là-bas, tu vois un paquet de béquilles accrochées sur le mur. Et ouais, je me souviens quand j'étais petit, on voyait ça. Donc est-ce que ça prouve que qu'est-ce qu'ils adorent en dehors d'Allah c'est le haq, et que qu'est-ce qu'ils font c'est vrai? Non. Donc c'est pour dire que ça c'est pour certaines personnes c'est une fitna, et c'est une shubha pour eux. Non. Exactement, exactement. Souvent c'est ça qu'ils font. Ils ont mis des béquilles là-bas, c'est même pas des gens qui ont été guéris. C'est seulement attirer des gens pour que les gens viennent donner de l'argent, etc. Parce qu'il y a une petite, des petites boîtes là pour mettre l'argent, pour les chandelles et tout. C'est du business, exactement. Puis ils vendent des petits médaillons avec un petit morceau du vêtement de, du frère André, là. Et ils disent que ça, ça va, ça, ça peut te porter chance, ça peut te guérir, des trucs comme ça. Alors, donc, ils ont une boutique avec plein de petits objets comme ça qu'ils vendent. Et il y a des petites chaînes avec des colliers avec un petit morceau de son vêtement, un petit morceau de tissu à l'intérieur. Et là, c'est des mouchriquines. Comme on dit. Exactement. Exactement. Aïna. Donc, comme le frère il dit, quand on voit que c'est des chrétiens, des juifs, des hindous, des bouddhistes ou d'autres gens qui font des choses comme ça, on s'étonne pas parce que c'est leur religion, c'est le shirk. Mais quand c'est des musulmans qui font ça, ça c'est quelque chose de surprenant, d'étonnant. On n'est pas supposé de voir des choses comme ça parmi les musulmans. Et il me dit que c'est dans le monde de le Maghreb, mais c'est pas seulement dans le Maghreb, c'est aussi en Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, et oui, en Afrique noire, au Moyen-Orient, en Asie, partout il y a des choses comme ça. Ça c'est des manifestations de shirk qui durent jusqu'à aujourd'hui. Donc ça c'est des exemples que le cheikh a mentionné. T'as un exemple? C'est un exemple. Il n'est pas capable, il ne peut pas se faire un bien à lui-même, alors comment il peut aider les autres, hein? C'est comme les idoles, ils ne peuvent pas se sauver elles-mêmes. Comme je l'ai dit, des fois exactement. Une fois, j'étais dans un magasin, il y avait une petite fille hindoue avec sa mère. Une petite fille, elle est hindoue, elle est née ici, elle. Et je vois qu'ils lui ont mis une affaire rouge dans son front, là, comme de la peinture ou je sais pas quoi, de la poudre. Je lui dis, qu'est-ce que c'est ça? Et là, la petite fille, elle me répond, elle me dit, mais ça, c'est dans notre religion, des trucs comme ça. Je lui dis, tu crois à ça, toi, les statues et tout ça? Hein? Elle dit, non, mais c'est comme ça dans notre culture et tout. J'ai dit, mais il faut pas adorer ces idoles-là, il faut adorer Allah, Dieu, le Créateur, seul. Et c'est pour dire qu'ils font ça pour, par taqlid, hein, disons, ils suivent leur, soi-disant, leur coutume et leur culture et leurs ancêtres, qu'est-ce que les gens ont fait. Alors qu'ils savent très bien qu'au fond d'eux-mêmes, que ça, c'est des bêtises, hein, c'est des mensonges. Mais comme tu dis, ils ne peuvent pas se faire du bien pour eux-mêmes. Et dans la djahiliya, il y avait un mouchrik, une fois, qui est rentré dans l'endroit où il y avait des idoles, et il a vu un chien qui était en train d'uriner sur la statue. Alors il s'est fâché, il a voulu chasser le chien, puis après, il a réfléchi, il a dit, mais subhanallah, comment moi j'adore cette idole, alors qu'il ne peut même pas se protéger d'un chien, hein, par lui-même. Donc, des fois tu parles avec des petits-enfants comme ça, comme cette petite fille-là, ou d'autres enfants qui sont petits, qui sont, leurs parents sont des mouchriquines, tu leur donnes des exemples comme ça, pour leur montrer le tawhid, et pour leur montrer la fausseté du shirk et tout, et ça, ça les fait réfléchir, parce que les enfants, c'est dans leur fitra, c'est naturel pour eux de croire en Allah, et de savoir que il faut pas adorer autre que lui. Donc quand tu leur expliques des choses comme ça, ils réfléchissent et tout. Donc tu peux leur donner des exemples comme ça, ça les fait comprendre. Et puis là, tu vas même voir qu'ils vont rire de ces actions-là par la suite. Okay? Et puis ça peut être une cause de leur guidance, alhamdoulilah. Donc le chef, il continue à expliquer, il dit, celui qui fait ces choses-là, qui fait des sacrifices pour autre que Allah, alors c'est un mushrik et il est maudit. Comme on a dit, il est maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe qu'il ait prononcé avec sa bouche qu'il égorge pour autre qu'Allah, comme peu importe qu'il a dit que c'est بسم الجن أو بسم فلان hein, ou bien qu'il l'ait juste dit avec son intention dans son cœur, ou bien qu'il ait égorgé pour la tombe ou pour Al-Badawi, un saint qui est en Égypte, qui s'appelle Al-Badawi, ou bien Al-Hassan ou Al-Hussein, ou bien d'autres parmi les Awliya, hein. Ou bien si, soit qu'il ait dit avec sa bouche leur nom de ces êtres-là, hein, en dehors d'Allah, ou bien qu'il ait dans son cœur l'intention de le faire pour ces êtres-là en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça sont des sacrifices qui sont haram. On n'a pas le droit de manger cette viande, même si celui qui l'a égorgé est un musulman, même s'il se dit musulman, même s'il dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, quand il a égorgé cette viande, il n'a pas égorgé pour Allah, il l'a égorgé pour autre qu'Allah, c'est haram de le manger. Et vendredi, dans la khutba, j'avais expliqué que c'est pas, on n'a pas le droit de manger la viande des rafidah, shi'a, parce qu'ils invoquent, ils adorent les tombes et d'autres endroits d'Allah. Il y a des gens qui sont venus me voir après la salat, ils ont dit, est-ce qu'on a le droit de manger la viande des chrétiens, etc. J'ai dit, oui, tu as le droit de manger la viande des chrétiens, si elle est égorgée. Parce qu'Allah, dans le Coran, il nous a dit que c'est permis. Mais il n'a pas rajouté rien à ça. Mais par la suite, j'ai réfléchi, j'ai dit, peut-être que lui, il se demande, comment ça se fait qu'on n'a pas le droit de manger la viande des chiites, puis on a le droit de manger la viande des chrétiens. Alors que eux, ils disent la ilaha illallah, ils se disent musulmans. Tandis que les chrétiens, eux, ils disent pas la ilaha illallah, hein, puis on a le droit de manger leur viande. Donc, et on n'a pas le droit de marier les femmes chiites, la rafida, on a le droit de marier les femmes chrétiennes, alors que elles disent la ilaha illallah, et les autres, elles disent pas la ilaha illallah. Comment, eux, pour eux, c'est une contradiction, ils comprennent pas. Hein. Parce que le shirk et le kufr des rafida, et le kufr des chrétiens, c'est deux différents. Eux sont des koufars asliyoun, à la base ils sont des koufars. Tandis que ceux-là, c'est des gens qui étaient musulmans qui ont quitté l'islam, du fait qu'ils ont fait le shirk. Et donc, leur koufre est un autre niveau de koufre, et ces koufars-là, on n'a pas le droit de les marier ou de manger leur viande, comme les hindous, comme les bouddhistes, comme les athées, on n'a pas le droit de manger leur viande. La même chose pour yani, ceux qui se disent musulmans puis qui pratiquent le shirk, et qui font le tawaf aux tombes et qui égorgent des animaux pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là ne sont pas musulmans. Même si, après que la preuve a été établie contre eux, ils ne sont pas musulmans. Donc on n'a pas le droit de manger leur viande. Tandis que les chrétiens et les juifs, il y a eu une mention dans le Coran, un verset clair qui dit وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. Donc on a le droit de manger leur viande, les juifs et les chrétiens, et on a le droit de marier leurs femmes qui sont chastes, qui sont vierges, etc., qui font pas le zina. Non. Oui, si elle est égorgée, la viande des gens du livre, si elle est égorgée. Exactement. Oui, mais non, mais non. Si tu sais qu'il n'a pas été égorgé, t'as pas besoin de la manger. Voilà. Bon, et ça c'est la question que les gens posent mille fois. Ouais, à chaque fois ils posent cette question. Yann, oui, exact. Oui, c'est ça. Si tu sais que c'est des chrétiens qui égorgent pas, t'as pas le droit de manger. Si tu sais que c'est des juifs qui égorgent pas, t'as pas le droit de manger. Mais si tu sais pas qu'ils égorgent pas ou non, ben dans ce cas-là, la base c'est que c'est halal. Sauf si t'as un doute, si quelqu'un t'a dit qu'ils égorgent pas, dans ce cas-là, tu évites le doute. Oui, à la base c'est halal. Parce que la viande des gens du livre, la viande des gens du livre, elle est halal. Donc à la base c'est que c'est halal. Si tu sais qu'ils égorgent pas, là tu manges pas. Et donc le cheikh dit ensuite que cette viande elle est haram si elle est égorgée pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, comme on a mentionné. Et le cheikh dit لأنها تدخل في قوله وما أهل به لغير الله, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été sacrifié ou immolé pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ok, ça rentre là-dedans, c'est pour ça que c'est haram. Et qu'est-ce qui a été égorgé pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ça comprend qu'est-ce qui a été égorgé en mentionnant autre que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça comprend aussi qu'est-ce qui a été égorgé par le nom d'Allah, sauf que l'intention qui était derrière cette action-là, c'était pour l'idole, ou pour le djinn, ou pour les shayatin, les afarites. Donc c'est pas nécessaire que ce soit mentionné le nom d'autre que Allah nécessairement. Si l'intention qui est derrière l'action, c'était pour un djinn, ou pour un wali, ou pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ça aussi, ça compte dans qu'est-ce qui est égorgé ou sacrifié pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Même si on a mentionné le nom d'Allah. Et le cheikh, il dit que les mouchaouizines aujourd'hui, les gens qui font de la sorcellerie, des trucs de ce genre, quand des gens sont malades, ils vont les voir, comme on a dit tout à l'heure, pour demander une guérison ou quelque chose, et eux, ils leur demandent d'égorger un animal pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, ça rentre dans le shirk. Le shirk dit, وَيَدْخُلُ فِي الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ أَصْنَافٍ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ عَلَى وَجْهِ التَّقَرُّبِ وَلَوْ قِيلَ عَلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ وَهَذَا حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ أو وَهُوَ شِرْكٌ بِاللَّهِ وَمَا ذُبِحَ لِلَّحْمِ وَسُمِيَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ اسْمِ اللَّهِ وَمَا ذُبِحَ مِنْ أَجْلِ التَّحِيَّةِ وَالتَّعْظِيمِ مثل ما يذبح للملوك والرؤساء عند قدومهم أو نزولهم أو إذا نزل من الطائرة أو من السيارة أو من الدابة ذبحوا عند نزوله وما يذبح عند ابتداء المشروع فبعض الجهال أو بعض الذين لا يبالون إذا أنشأوا مشروعا أو مصنعا أو غير ذلك يذبحون عند تحريك الآلة وما يذبح عند أول نزول البيت خوفا من الجن وهذا الشرك لأنه مما ذبح لغير الله عز وجل. أما إذا ذبح ذبيحة عند نزول البيت من باب الفرح والسرور ودعوة الجيران والأقارب فهذا لا بأس به. لشيخ الزي parmi les choses qui rentrent dans le sacrifice d'un animal pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, il y a différentes catégories. Il y a ce qu'on égorge, comme on a dit tout à l'heure, pour autre que Allah, dans le but de se rapprocher. Donc, qu'est-ce que tu mentionnes autre que le nom d'Allah, ou que tu sacrifies pour autre que Allah dans le but de te rapprocher? Et même si tu as dit le nom d'Allah dessus, même si tu as dit Bismillah, mais que ton but c'est de te rapprocher à autre que Allah, ça c'est shirk. Et ça c'est haram selon le consensus des savants parmi les musulmans. Aussi, ça fait partie du shirk. Et ce qui est sacrifié, ce qu'on sacrifie pour la viande et qu'on a mentionné dessus autre que le nom d'Allah. Parce que si tu sacrifies pour la viande avec le nom d'Allah, ça c'est halal, c'est la viande qu'on vend dans les boucheries. Le boucher, quand il va à l'abattoir, il va égorger l'animal, il dit Bismillah dans le but de manger la viande, ça c'est halal. Mais s'il égorge l'animal pour la viande, mais il dit autre que le nom d'Allah, donc dans ce cas-là, ça devient shirk. Également, qu'est-ce que des gens égorgent parfois pour montrer un respect et pour honorer quelqu'un ou élever quelqu'un? Comme par exemple, quand il y a quelqu'un d'important qui arrive, que ce soit un roi ou un chef, ou quelqu'un d'important, il descend de l'avion, les gens ils prennent un mouton ou quelque chose et ils l'égorgent lorsqu'il descend. Ou bien, lorsqu'il descend de sa voiture ou de l'avion ou de sa monture, ils égorgent un mouton à l'endroit où il descend. Il dit le shirk que ça fait partie également du shirk. Également, ce qu'on égorge lorsqu'on commence un projet. Par exemple, certains ignorants, ou des gens qui prennent pas d'importance à ces choses-là, lorsqu'ils commencent un projet, par exemple la construction d'une manufacture ou d'une compagnie ou des choses de ce genre, ils vont à cet endroit-là et puis au moment où il commence à faire marcher la machine pour creuser, des trucs comme ça, là, ils égorgent un animal avant de faire ça. Et, donc quand ils font, eux, ils font ça pourquoi? Ils font ça parce qu'ils croient que peut-être il y a des djinns à cet endroit-là. Et pour que, soi-disant, avoir la faveur des djinns, pour pas avoir des problèmes avec les djinns, on va égorger l'animal pour eux, pour montrer que, on veut pas avoir de problème avec eux ou des trucs comme ça, hein. Ou bien, lorsqu'ils achètent une nouvelle maison et qu'ils vont rentrer dans leur maison, ils vont égorger pour le djinn, pour que le djinn ne font pas leur faire du mal. Ça, c'est un exemple de shirk. Aussi, le cheikh, il dit, si tu égorges pour, par exemple, lorsque tu achètes une maison, que tu rentres dans ta maison, tu égorges un animal pour montrer que t'es content puis que tu veux inviter les voisins et les proches à manger avec toi, ça c'est correct, ok? Tant que tu l'égorges pour Allah subhanahu wa ta'ala et que tu mentionnes le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu fais ça pour te réjouir et inviter les amis et les proches, ça il n'y a pas de problème. Mais si tu le fais par crainte du djinn ou des choses de ce genre, ça rentre dans le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu les gâches pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-hasil, anna qawlahu sallallahu alayhi wa sallam, qul inna salati wa nusuki wa qawluhu fasalli li rabbika wanhar, wa qawlu rasul sallallahu alayhi wa sallam, la'ana allahu man zabaha li ghayrillah, يشمل كل هذه الأمور. الأول ما ذبح للأصنام تقربا إليها، ثانيا ما ذبح للحم وذكر عليه اسم غير الله، ثالثا ما ذبح تعظيما لمخلوق وتحية له عند نزوله ووصوله إلى المكان الذي يستقبل فيه، رابعا ما ذبح عند انحباس المطر في مكان معين أو عند قبر لأجل نزول المطر، وخامسا ما ذبح عند نزول البيت خوفا من الجن أن تصيبه، كل هذا يدخل في الذبح لغير الله ويكون شركا بالله. الشيخ يقول donc pour résumer tout ce qu'on a dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit قل dit ma prière et mon sacrifice, ou lorsqu'il dit فصلي لربك وانحر, prie donc pour ton Seigneur et sacrifie pour lui, ou la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Allah maudisse ou Allah maudit celui qui sacrifie pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ça comprend toutes les catégories qu'on mentionne, les cinq différents exemples qu'on a mentionnés, que tu égorges pour la tombe ou pour l'idole ou pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans le but de t'approcher à cette idole. Deuxièmement, ce que tu as égorgé pour la viande, dans le but de manger sa viande, sauf que tu mentionnes autre que le nom d'Allah dessus. Troisièmement, ce que tu as égorgé pour montrer que tu veux honorer ou saluer ou élever une créature lorsqu'il arrive, lorsqu'il vient et que tu vas l'accueillir. Ce que tu égorges lorsqu'il n'y a pas de pluie, par exemple, et que tu veux avoir la pluie, tu t'en vas à un endroit ou à une tombe pour demander que la pluie tombe. Ou bien ce que tu égorges lorsque, par exemple, tu vas rentrer dans ta maison et que tu as peur que les djinns te fassent un mal quelconque, alors là tu vas égorger un animal pour te protéger contre eux. Tout ça, ça fait partie de qu'est-ce qu'on égorge pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et ça fait tout ça, ça fait partie du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et on continuera l'explication de ce hadith et du chapitre qu'on a commencé aujourd'hui, on continuera ça la semaine prochaine, inshallah. Donc on s'arrête, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi.